Examen 2. Partie 1. Compréhension de l'oral. Première partie de l'enregistrement. Bienvenue chez Valtel, votre compagnie de téléphone. Pour des informations sur nos offres Internet haut débit et lignes de téléphone fixe, tapez. Si vous souhaitez connaître nos offres de téléphonie mobile, tapez 2. Si vous avez des questions sur votre facturation, tapez 3. Pour entrer en contact avec notre équipe technique, tapez 4. Pour tout autre type de renseignement, tapez 5. L'équipe de Valtel vous remercie de votre appel.